spectacle. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Sébastien F. Gartin et Myriam Lortie viendront nous parler du plus récent numéro du journal Zone Campus et on ira dans les coulisses de la lutte avec notre improvisateur Gabriel Bioud. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 10 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ah, bon retour, Stéphanie Paradis. Allô? Oui, qui était à ta absence hier. Ben oui. Ben oui, mais c'est de même, puis là, ça va mieux. Que veux-tu, moi, tout le monde le sait que je suis fan de gastronomie. Oui, tout à fait, la gastronomie te connaît et te pourchasse. Toujours. Voilà. En tout cas, ça commence par les mêmes notes. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, Steph, tu veux savoir ce qui se passe? Ah oui, donc? Un peu. On va voir à 8h notre ami Gabriel Béhoud de La Luitre pour parler d'improvisation du match d'hier, des trois matchs qu'il va y avoir la semaine prochaine. Pas un, pas deux, pas trois. Pas un, pas deux, pas trois. Ouais, pas mal trois, finalement. Pas mal d'assez. S'arrête là. Overdose. Ben, quand même pas mal. Ça va faire, là, de l'impro demain, mais à ce que je sache, personne n'est mort d'une overdose d'impro. Ah, voilà. Donc, on va voir avec lui tantôt s'il y a une cure, si jamais quelqu'un... en notre rose. Ensuite, à 8h30, normalement, Myriam Lortie. Cette fois-ci, ce sera Sébastien F. Gartin qu'on a échangé. Donc, il va nous parler de l'actualité en général, de son texte éditorial dans un campus. Mm-hmm. Ça, c'est à 8h30. Puis, ben, d'autres affaires, là, même à 9h. Attends. OK. Ce qu'on fait à 9h? On verra. Hein? OK. On sait pas, encore. Ouais. On va débuter, par contre, avec Myriam Lortie et la chronique Zone Campus, juste là, dans quelques instants. Après cette chanson de White Horse, retour pour White Horse. Oh! Ouh, c'est vraiment bon sur leur album qui vient tout juste de faire son entrée en 20e place, qui s'appelle Leave No Bridge Unturned. Voici Downtown au 89 FM, c'est fou. la langue de tes larmes. Tu peux me raconter tes pensées les plus noires. J'en ferai tes chansons aussi chères que l'ivoire. Amor Blitz, nouvelle entrée du palmarès francophone, Kilimanjaro. Avant ça, c'était White Horse avec Downtown. Deux excellentes nouvelles pièces et les deux sont en 20e position. Vous pourrez les réentendre au palmarès C'est fou mercredi à 15h. Mérite tellement pas ça d'être en 20e. Je te soignerais ça tout de suite en haut, moi. Comment c'est qu'on fait jamais ça, débuter une pièce au numéro 1, là, chaque bar? C'est Assemblage requis et cette fois-ci, ça va être spécial. On échange nos chroniqueurs. On a échangé nos chroniqueurs. Cet automne à Canal Vie. Voici la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Et pour parler du journal Zone Campus, chaque semaine ou deux semaines, en fait, on reçoit la rédactrice en chef, Myriam Lortie. Bonjour. Bon matin. Ça va? Ah, oh, ça va bien. Oui. C'est plus tôt que d'habitude, mais je suis réveillée. T'es habituée d'être à 8h30, donc 7h30, ouais, j'avoue c'est que c'est... C'est ça, j'ai échangé avec Sébastien F. Gartin. F. Gartin. On en parlera justement parce que d'habitude, tu viens après lui, fait qu'on peut rien dire parce qu'il l'a déjà dit, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure une fois arrivé à son texte. Commençons en actualité. Oui. Évidemment, le texte qui fait la une, c'est les cours en ligne ouverts aux masses, les MOOC ou encore les CLOM. Les CLOM, je savais que ça te ferait rire. On dirait un film d'Eddie Murphy. Donc, il y a des CLOM à l'UQTR maintenant. Non, mais c'est un nouveau cours en ligne. Dans le fond, c'est la 4e université au Québec à se lancer dans le projet. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Ça donne pas de crédit, nécessairement, mais ça suit sur Internet. Et on peut le suivre de partout à travers le monde. Parfait. Et un club sandwich extra-bacon. Mais dans le fond, un point important peut-être à souligner, là, que ce que je suis contente qu'on l'ait abordé d'un angle étudiant, c'est que la journaliste a demandé au vice-recteur aux études et à la formation, parce qu'on n'arrête pas de parler des coupures dans l'université. Mmh. C'est Alice, entre autres, qui avait fait les articles par rapport aux 7,5 millions de coupures. Donc, on se demandait, oui, c'est beau lancer des projets, sauf que quand on parle de peut-être bientôt couper dans les services aux étudiants, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans des projets? Dans les cours gratuits, juste pour être quatrième au Québec. C'est ça au Québec, t'as dit? Et au Canada? C'est la 4e université au Québec à l'offrir. Okay. Puis il a répondu que le projet avait été mis en place il y a 2 ans, puis que le budget de création était déjà prévu depuis un moment, et que l'UQTR, vu qu'elle offre déjà des cours en ligne, il n'y aurait pas eu d'investissement majeur pour ce projet de CLOM. Parce que je sais que ça a commencé à faire parler quand même sur les réseaux sociaux, ouais, de la part des étudiants. Donc, voilà. Puis le premier cours porte sur la fiscalité et les finances personnelles. Mmh. Peut-être que je devrais le suivre. Mais si on veut en apprendre plus sur les... Non, mais tu sais, toutes les affaires qui sont peut-être mêlantes pour des étudiants, les REER, CELI, les RE. Donc, voilà, premier CLOM à l'UQTR. Oui, CLOM. Et quand même, c'est bizarre que ce soit en français, ces cours-là, puis que leur adresse web pour ça, c'est uqtr.ca/MOOC. Ben, c'est parce que MOOC, c'est Massive Open Online Course. Ouais, ça reste bizarre. C'est un MOOC. Ouais. Donc, toujours à l'actualité, l'AGE UQTR qui a fait son assemblée générale expéditive. Oui, c'était l'Assemblée générale. Là, c'est mail, hein, c'est parce que ça s'appelait l'Assemblée générale annuelle. Pas là-dessus. Mais c'était pas une Assemblée générale annuelle. Et, en tout cas, bref. Il l'appelait comme ça pour principe. Tout ça pour dire que les principaux points ont été... une autre chose qui a fait jaser aussi sur les réseaux sociaux. On est à l'affût. Elle était tellement à hashtag 2.0. Mais c'est que cet automne, il avait été... ça avait passé en Assemblée générale annuelle, oui, que les officiers avaient droit de discuter avec le conseil d'administration, l'augmentation de leur bourse. Mm-hmm. Et donc, ils devaient seulement juste faire état de cette augmentation-là dans la présente Assemblée générale, ce qu'ils ont fait. Sauf que là, le monde s'est comme rappelé que peut-être ça leur tentait plus qu'ils augmentent leur bourse. Donc, ça a comme suscité certains débats. Mais bref, ils vont passer de 866 à 942 $ par mois de bourse d'officier, ce qui équivaut à une augmentation de 8600 $ annuellement. Mais là, il y a des... Mais ça ne coûtera pas aussi cher que ça, étant donné que tout le monde démissionne de toute façon. Oui, oui, en ce moment, il y a un poste vacant, fait que ça ne coûte rien. Mais il y a des étudiants qui disent que l'AGE mène un discours à double sens parce qu'ils font des dépliants pour informer sur les mesures d'austérité. Et d'un autre côté, ils veulent augmenter les cotisations étudiantes. Dans le fond, c'est rendu obligatoire le 10 $ par session. Avant, c'était 15 $ facultatif. Puis il y a maintenant un 2 $ pour le maintien de la halte garderie, plus l'augmentation des bourses des officiers. Donc, ça fait quand même jaser. Oui, bien, c'est normal. Ton mot de la rédactrice, nourrir sa propre plante. Ah oui, j'avais écrit un mot. Puis finalement, j'ai tout rechangé puis j'ai écrit ça. Pour moi, t'avais juste écrit un mot, fait que c'est pas si pire. Mais c'est parce que je pense que ces temps-ci, là, puis je suis pas la seule à vivre ça, mais c'est peut-être le début du mois de février, mais... Puis la remise des premiers travaux, je sais pas, on dirait que je sens un petit découragement, les tempêtes de neige, il fait froid, on est grippé. Puis mon mot s'adresse peut-être plus à ceux qui étudient ou qui ont étudié, qui sont diplômés dans des domaines qui mènent pas à une profession en particulier, que des fois on se demande pourquoi qu'on fait tout ça, puis qu'on a tous ces crédits-là universitaires dans notre CV. Ouais. Je me sens interpellée. Un peu. Mais il y a beaucoup de monde, moi j'en reviens pas, du monde qui ont des maîtrises, qui cherchent un job depuis un an, ou qui travaillent dans des bars, qui sont serveurs. Moi, Attends, je vais reprendre ma propre expression. Cite-toi. Ça a un goût amer d'illusion, ces études-là, je trouve. Voilà, wow. Fait que j'ai rechangé ça. Allez. Donc ensuite, en actualité, nouvelle grille d'admission pour le doctorat en psychologie clinique. Oui, mais c'est ça, c'est parce que mon autre mot que j'avais écrit avant disait que ce numéro-là, en particulier, je trouvais qu'il y avait beaucoup de sujets propices aux discussions. Pas aux controverses, là, mais quand même à de bonnes discussions. Mais en octobre 2014... Il y a le comité de programme en psychologie qui a refait complètement les critères d'admission au doctorat en psychologie clinique. Puis, tu sais, il y a beaucoup de discussions qui se fait par rapport... Dans le fond, les notes sont comme vraiment importantes pour entrer au doctorat en psychologie, alors que l'aspect humain est peut-être moins valorisé. Mmh. Puis là, la nouvelle grille, puis c'est ça qui a été un peu contesté le 28 janvier dernier à l'Assemblée générale de l'Association des cycles supérieurs en psychologie, c'est que le dossier académique a comme encore plus de valeur, puis la pondération des notes ne fait pas l'unanimité. Et que ça prend des notes, tu sais, 4.2, ça commence à être beaucoup. T'es comme vraiment plus valorisé que si t'as 4 sur 4.33. Bref, c'est expliqué dans le détail pour les notes, mais on a suivi ça. Ben oui, c'est ce que le campus fait. Hein. Une grosse problématique ici, c'est le grabuge au tournoi de classement de Trois-Rivières pour les Jeux du commerce. Oui. Oui, c'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? C'est assez trash, on va se le dire. Oui, ben je donnerai pas les détails parce que premièrement, je les ai pas tous, mais les rumeurs que j'ai entendues disaient que c'est ça. Il y a eu beaucoup de grabuge. Je ne dirai pas les détails. De grabuge, je pense. Oh, parce que ça a rapport avec des besoins. C'est le TC3R. Ouais. C'est le tournoi de classement de Trois-Rivières pour la compétition sportive qui est interne aux Jeux du commerce. Et ça se passait à Trois-Rivières le 29 novembre dernier. Sauf que là, ça vient de tomber, les sanctions qu'il va y avoir suite à cet énorme grabuge. Dont le service aux étudiants va... Dans le fond, ils n'auront plus le droit pendant 13 ans de tenir les Jeux du commerce à l'UQTR. Le service aux étudiants a retiré tout financement pour une durée de 4 ans à l'ASK, qui est l'association sciences comptables, mais pas juste pour les Jeux du commerce, mais pour le happening, marketing, tous les autres événements qui tiennent. Donc, ça a touché tous les autres événements aussi. Et l'autre chose, c'est que le TC3R, lui, pourra plus, il est banni à vie de Trois-Rivières. Wow, le tournoi de classement. Ouais. Ah, mais donc, c'est ça, mais là, petit cadeau odorant. Mais le point en discussion, c'est que c'est des délégations de plein d'autres universités qui étaient ici, mais que c'est seulement l'UQTR qui paye les conséquences parce que c'était ici, ouais, mais c'est pas nécessairement les gens de l'UQTR qui ont fait le grabuge. Ouais, non, je comprends. Donc là, il va y avoir des négociations. Ouais. Dans l'éditorial de Sébastien Biertin, c'est sur les problèmes de neutralité à l'AGE, donc on va en parler avec lui à 8h30. Oui, ben dans le fond, j'allais en reparler un peu plus tard, mais ça, c'est en lien avec, il y a eu une conférence, une tribune libre dernièrement de Mario Beaulieu, chef du Bloc québécois. C'est ça? Je pense que c'est ça. Oui. Et là, il s'en vient le débat des chefs pour le Parti québécois. Ici, à Trois-Rivières. Donc, son éditorial, il en reparlera plus tard, mais ce qu'il dit, c'est que le calendrier d'activité à saveur politique de l'AGE est résolument bleu cette session-ci. C'est vrai, ça. Alors, on reste en actualité. Pour la réception à la mairie, Yves Lévesque qui accueille les étudiants étrangers. Ben oui, c'est la première fois que j'entends parler que le maire fait ça, mais à la mairie, il a reçu 80 étudiants qui venaient de 25 pays différents. Et à chaque année, à Trois-Rivières, il y a environ 1600 étudiants étrangers. Donc, il y avait des étudiants pas seulement de l'UQTR, mais il y avait Cégep de Trois-Rivières, des collèges aussi. Et la rectrice a fait un mot de bienvenue. J'imagine bien, oui, c'est sûr. Faut bien. Ensuite, on a deux sections récurrentes dans les actualités. La recherche à l'UQTR avec l'électricité dans l'air. Oui, ben cette semaine, c'est la journaliste a rencontré Rosa Elvira Silva. Puis, on trouvait ça intéressant parce que c'est une femme au doctorat en génie électrique. Mamma mia! Mais c'est quand même... Est-ce que ça te charme, toi, les femmes qui ont J'aime le fait que ça rime, son nom. Un métier... Ah, OK! C'est juste ça. Non, puis c'est quand même typiquement masculin, le génie électrique. Puis elle est rendue au doctorat. Puis elle travaille sur, attention, la pile à combustible à membrane échangeuse de protons. Des affaires faciles. C'est le genre de choses que je ne ferais jamais. Ah, et l'autre section récurrente, c'est anciens étudiants. Que sont-ils devenus? Ben oui, tu le connais. C'est Jean-François Latour. Ah, c'est Jeff Latour de la Ligue universitaire d'improvisation. Oui, qu'on a pu voir, mais c'est ça qu'on disait. C'est parce que lui, ce qui est vraiment intéressant avec son parcours, c'est qu'il y a à peu près, justement, 10 ans d'université, mais finalement, il a trouvé le bon chemin, qui est la chiropratique. Mais il a fait comme plein d'autres affaires avant, sciences infirmières. Puis là, finalement, il vient de s'ouvrir là, sa clinique à Québec. Mais ce qu'on trouvait drôle, c'est que nous, on le connaît en tant que joueur d'improvisation. Là, il y a comme une super belle photo de casting avec sur son site Internet. Nous, on le connaît plus en tant que comédien. Fait ben, c'est ça, on dirait un médecin dans 4,5. Oui, genre. C'est ça. On dirait pas qu'on y croit, nous, parce qu'on le connaît juste par l'impro. C'est bon, on est biaisé un peu. L'actualité démystifie avec Marie-Adèle Richard. Outrage au tribunal et autres péripéties judiciaires. Oui, ben ça parle de Gabriel Nadeau-Dubois qui a gagné sa cause, parlant de cause, qui a gagné sa cause et que le poursuivant veut amener la cause en Cour suprême. C'est ça, Cour suprême, c'est le plus haut au Canada. Ouais. Donc, ceux qui s'ennuyaient du carré rouge, ce n'est pas tout à fait terminé. On passe en société maintenant. Il y a évidemment plein d'autres choses à lire en actualité. Mais société, commençons avec Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles qui nous parle de s'illusionner comme dans les téléromans. Oui. Ben, je vais lire le petit début. Ouais, j'aimerais ça. Donc, le dictionnaire Larousse 2015, parlant de doctorat d'ailleurs, clinique, psychologie. As-tu des liens? Il est en. Ben, c'est ça. Non, mais on en parlait tantôt. Oui. Dictionnaire Larousse 2015 définit une illusion comme une appréciation conforme à ce que quelqu'un souhaite croire, mais fausse par rapport à la réalité. Il est possible de présenter la venue d'une illusion à partir d'une différence entre les attentes et aspirations idéales d'une personne vis-à-vis des situations et conditions réelles de cette dernière. Est-ce qu'elles sont proches ou est-ce qu'il existe un décalage plus ou moins important? Ça, c'est Larousse 2015, c'est pas une vieille affaire, c'est récent. C'est la plus récente définition du mot illusion. Le monde en question avec Jocelyn Aubut et Sheila Gaudreau, la science démontre-t-elle que Dieu existe? Oui, le 25 décembre dernier, le Wall Street Journal a publié un article qui a beaucoup dérangé. En fait, jusqu'à ce jour, l'article a déclenché une ruée de plus de 7000 commentaires, près de 400 000 partages sur Facebook et 6000 tweets. Le titre, la science démontre de plus en plus l'existence de Dieu. Ensuite, Dans l'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles, qui est la nouvelle ou en tout cas récente chronique de Christina Monfette-Fortin, elle nous parle de zone de confort. Oui. Ça me perturbe parce que mon nom est dans son lead, je vais le dire quand même. Ah, Lorsque j'ai soumis la proposition de cette chronique à Myriam Lortie, rédactrice en chef dévouée de ce journal, mon intention... je l'ai pas payée, hein. Mon intention était de me sortir de ma zone de confort. Je suis une littéraire de formation et sans vouloir renforcer certains stéréotypes, je passe la plus grande partie de mon temps derrière un livre à observer des mondes s'y déployer et à m'y perdre le temps de quelques pages. Contemplative, l'entreprise d'écrire m'embêtait un peu. Malgré tout, le projet de collaborer à ce journal demeurait une idée fixe et bientôt la ligne directrice de cette chronique s'est imposée d'elle-même, jaser, Boostify et choix alimentaire, sans trop me prendre au sérieux. Ça a l'air vraiment intéressant, ces chroniques. Et puis elle écrit bien, puis elle est super intelligente, puis... Ouais. Dans Changer la vie, Normand Leclerc, abat l'amour mythique. Moi, je trouve ça déjà plus crédible que celui d'à côté sur la religion, mais quand même, l'amour mythique, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, amis lecteurs, charmante lectrice, en tant qu'auteur de cette chronique, je me dois de vous recommander de passer immédiatement au sujet suivant. Pourquoi? Vous y perdriez soit votre temps, soit vos illusions. Des deux, je ne saurais dire lequel est le meilleur ou le pire. Pour les téméraires qui osent poursuivre leur lecture, voici la question du jour. Les jeunes d'aujourd'hui aspirent-ils toujours au grand amour? Il parle des jeunes parce que c'est chroniqueur de l'Université du Troisième Âge. Oui, c'est vrai. Hey, pour terminer, la société... Et non, le moindre. Ouais, c'est ça, c'est, je me souviens, au pouvoir citoyen, mais qui porte son nom un peu comme pas tout à fait approprié cette semaine parce que c'est des textes érotiques. Ben, en fait, c'est la Saint-Valentin... Samedi. Oui. Samedi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, à l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai décidé de dépoussiérer et revivifier quelques vieux poèmes érotiques ou cochons que j'ai déjà présentés à divers concours poétiques, afin de vous parler de ma passion profonde pour le corps féminin. L'an dernier, à pareille date, je vous partageais ma réflexion sur ce que doit être l'amour véritable, un texte que vous pouvez encore lire sur le blog de ce journal. Récent célibataire. Il est récent célibataire, Jean-François Veilleux. Ah, OK. Voici ma tentative depuis cet automne. Non. Vous pouvez le contacter à son courrier. Voici ma tentative de séduire la gente féminine pour trouver ou retrouver une amoureuse des lettres et du poids des mots. Et quel texte as-tu choisi de nous lire, Myriam? Tu vois, la question, c'est pas est-ce que tu vas nous lire un texte, c'est quel texte as-tu choisi? Ah oui, tu veux que j'en lise un? Tu sais, canon chaud. Non, vous irez lire. Je vais en lire un cours, mettons. Un cours, OK? Ouais. J'existe au travers toi. Quand je te touche, j'existe, je vis. J'adore plonger tes yeux, porte de ton esprit. Plonger dans tes yeux, porte de ton esprit. Je te le redis donc de ma bouche, tu confirmes mon existence. Chaque fois que je te dis je t'aime, je le pense, aussi sûr qu'au vent, les nuages dansent. C'est beau, quand non, même. Non, c'est beau. C'est parce que Mathieu, toi, je t'ai lu les plus osés, maintenant. Si sur Twitter, vous croisez le hashtag canon chaud, ben vous saurez que ça va être. Avant de passer en art et spectacle, on va écouter une petite chanson, une chanson musicale. Une chansonnette musicalienne. On s'en va entendre, en fait, une formation qu'on a découverte, c'est bien ça, dans le poste d'écoute avec Assemblage Requis. Avec Assemblage Requis de Stéphanie Paradis dans Assemblage Requis. Assemblage Requis, non, c'est bon, c'est sûrement ça, tu te connais ça. C'est ça. C'est la formation Cairo. Voici A History of Reasons tout de suite. Le 89 FM, c'est fou. Et on vient avec les arts, spectacles et le sport dans la collègue Zone Campus. Reasons will make me stop at the color of your skin, or the color of my eyes when you're looking at him. Do it again, I do it again, I do it again. When it's you and I, I'm unpacking and you're leaving on another red eye goodbye. We'll be right back. you up, you're a sinner or you're a saint, and nothing in between will cover the stains. I would do it again, I'd do it again, I'd do it again, when it's fight or die. But you're dying as you're fighting, cause you're just a fish eye. And I would do it again, I'd do it again, I'd do it again, when it's you. I'm packing and you're leaving on another red eye goodbye. History of Reason sur leur album du même nom à Assemblage Requis. On est toujours dans la chronique du journal Zone Campus avec Myriam Lortie. On était rendu en art et spectacle. Commençons avec UQTR en spectacle. Les finalistes ont été dévoilés. Oui, ben là, dans le dernier numéro, c'est ça qui arrive avec les dates de tombée. Là. C'est juste que la veille que le journal sortait, ils dévoilaient les finalistes. Fait que là, ben... Hey, first world problems, hein, les gros problèmes. Ben non, mais là, on reparle de UQTR en spectacle. Mais là, maintenant, on a le nom des finalistes. Et comme on avait dit la dernière fois, c'est les animateurs que j'apprécie particulièrement sont Alexandre Laramie-Zwicky et Philippe Grenier, des joueurs de la 8 Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Ils sont partout. Écoutez, un spectacle est le 19 février prochain et je pense qu'ils font des chroniques ici le matin, Myriam, pour présenter les finalistes. Bon point. Donc, je ne les présenterai pas. Ça va être lundi prochain qu'on va avoir une chronique là-dessus. Et puis jeudi prochain, donc soyez-y à Assemblage Hockey. On va présenter le reste des participants et on va sûrement recevoir les animateurs en tant que tels aussi. Ensuite, vernissage au Café-Bar Le Zénob, l'exposition au Mille et un visages. Oui, ben, c'est une artiste, une étudiante étrangère qui vient de France, qui est ici pour un an, qui présente son travail, son exposition tête à tête au Zénob, qui est présentée présentement. C'est oui. Intéressant. Elle s'appelle Gladys, donc après ça, il y aura une discussion avec Gladys Sinsou. Oui. Vernissage maintenant à la galerie R3 de l'UQTR, une exposition apaisante où la performance est accessible. Oui, la galerie R3 accueille Croisement sans soudure, Seamless Crossings, en anglais. Oh wow, tu parles bien anglais. Jusqu'au 20 février prochain. Le travail de Vesna Perunovic, artiste de la performance, est présenté en photo et en vidéo. C'est une Canadienne d'adoption qui questionne encore l'idée de frontières, d'exil et de nostalgie. Elle est venue rencontrer les gens de l'UQTR le 5 février dernier lors de son vernissage. Concours interuniversitaire de photographie et de bande dessinée, ça c'est intéressant. Oui, ben en fait, j'ai pas grand chose d'autre de plus à dire que à part que inscrivez-vous au concours de photos et de bande dessinée. C'est ça qui est ça. C'est fun. Un autre vernissage, cette fois-ci à l'espace 03 quart de l'atelier Silex, de l'ombre à la lumière. Oui, puis en plus, j'en passe des vernissages, il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a d'autres. Mais c'est une sud-coréenne, Ho Shin Choi, qui présente jusqu'au 15 février son exposition Mémoire reconstituée et elle travaille le matériau mystérieux qui est le verre. Parce que le verre, c'est vrai que c'est mystérieux, c'est solide, mais en même temps, c'est si fragile. Puis en même temps, c'est épais, mais tu vois à travers. Oui. Oui. Mais ça. Moi, c'est vrai, en lisant l'article de Marie-Christine, c'est vrai que ça m'a fasciné. Dis de même, c'est vrai que ça a l'air quand même quelque chose. Alors, ensuite, quelques chroniques. Tiens, commençons avec dans les lunettes du frisé. C'est Félix-Antoine Desilets-Rousseau, ma tête de Turc, son sujet cette semaine. Oui, ben qui nous parle en... Ben, Lis-nous. Oui, je vais le lire, c'est tant qu'à... il commence comme suit. Je ne sais jamais comment commencer mon texte. À chaque fois, c'est pareil. J'ouvre mon ordi, clique sur l'icône Word, Microsoft Word et fais une petite mise en page rapido presto. Mais à chaque fois, chaque maudite fois, je bloque. Je fixe la page blanche, des idées quelqu'un pour la suite de mon texte. Imaginez si un gouvernement vous demandait ça. Des idées quelqu'un, et vous, oui, là-bas, avez-vous une idée de comment gérer le Québec? Ça n'aurait juste pas d'allure, non. Et là, il parle du gouvernement et il invite d'ailleurs le ministre Bolduc à venir voir l'exposition Expo Typo, ouais. L'ABC des arts du texte au centre d'exposition Raymond Lanier, présenté par Sébastien Dulude. Maison. Qui est présenté dans le dernier numéro du Zone Campus. Bien sûr, et c'est drôle, hein? J'ai fait une petite mise en page rapido. La première règle du journaliste, c'est de ne pas faire les mises en page. Mais bon. Non, mais tu sais, sur titre. Je voulais le dire. Ensuite, Mange l'IM, la chronique littéraire de Camille Durand-Plourde, Prendre plaisir au tragique. Oui, elle nous parle du livre Le feu de mon père. Donc, elle dit « Le feu de mon père est le type d'œuvre qui se lit d'un trait. Les pages se tournent d'elles-mêmes et le point final arrive trop tôt. Michaël Delisle ne traite pourtant pas d'un sujet léger. C'est une enfance malheureuse qui est racontée et une relation amour-haine entre un fils et un père bandit. L'auteur réussit à toucher avec une écriture épurée et poignante, bien que l'on prend honteusement plaisir à suivre le parcours malheureux d'un fils négligé. Mm-hmm. » toujours en chronique, La Petite Ténébreuse nous parle du massacre de la Saint-Valentin. Oui, mais Michel Robitaille qui reçoit des bons commentaires pour sa nouvelle chronique et qui parle toujours d'un sujet en lien avec l'actualité, mais sombre. Donc là, elle dit « La Saint-Valentin est toute proche. Les boutiques et les commerces sont tapissés de rouge remplis de cœurs et de chocolat. Cette journée est généralement consacrée à l'amour et aux câlins. Pourtant, à Chicago, en 1929, la Saint-Valentin n'a pas ralenti un célèbre parrain de la mafia dans ses activités. » Et une dernière chronique, c'est celle de... Louis-Étienne Villeneuve, cinéma d'aujourd'hui, il nous parle de Foxcatcher et de Mr. Turner. Donc, allez lire ça. Il y a aussi les films à venir au cinéma Le Tapis Rouge. On vient aussi sur la coupe d'improvisation 3R, improviser pour s'amuser et pour gagner, parce qu'il va y avoir les 16 et 17 février prochains deux ligues de Trois-Rivières d'improvisation qui vont s'affronter, la Huître et la Lime. Donc, se reçoivent mutuellement. Exactement. Des équipes de la Lime. Une équipe de la Lime va venir affronter la Huître lundi prochain 20h. Et ensuite, mardi, à la Maison de la Culture, il va y avoir une équipe de la Huître qui va se présenter à la Lime. Et la même semaine, il y a en plus un match le jeudi contre la Kick de Québec. Donc, une grosse semaine d'impro la semaine prochaine. Trois-Rivières va être complètement impro. Ah, ça va être tellement peu. je regarde si on reste dans le spectacle. Non, en fait, il y en a plein d'autres, mais on les saute. On va en loisir avec à la confesse qui veut. La petite illustration de notre ami Alexandre Laramie-Zwicky cette semaine derrière le rideau. La mort. La mort. et on termine en sport. On commence avec le cheerleading. Très bon début de saison, toujours plus haut. Oui, ben en fait, c'est leur deuxième compétition. Ils ont terminé en troisième position, mais ils étaient quand même bien contents, mais ils visent quand même de monter plus haut sur le podium. Sur la pyramide, déjà... si on veut, corporelle de... Oui. De cheerleader. Voilà. Hein? Sinon, il y a eu le soccer aussi, premier match de saison intérieure. C'était dimanche le 1er février à Sherbrooke. Les gars ont remporté 2-0 et les filles ont annulé 1-1. Ils ont annulé, ils ont appelé puis ils ont dit non, gars, là, on fait forfait. Colin, sinon, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre en sport? Ben, saison de natation qui se termine avec 5 médailles individuelles aux championnats provinciaux à Montréal. Qui est-ce qui remporte le plus de médailles? Caroline Lapierre-Lemire. Toujours elle. Comme d'habitude. Et suivi de. Elle en a remporté 3 et Cédric Campanelli 2. Charles Labrie, l'entraîneur-chef, était très fier de son équipe. J'imagine. Puis en terminant, ben il y aurait, dans le fond, c'est les premières rondes des séries de hockey qui se mettent en branle dès ce mercredi, 11 février, dans une série de 2-3 pour les Patriots. Pour moi, une série de hockey, c'est me taper lancer contre. Patriots de l'UQTR. Voilà, c'est qui fait le tour de ce numéro qui sort aujourd'hui. Il n'est même pas encore arrivé, là. On l'a jamais en papier quand on fait la chronique, tellement il arrive juste après notre émission. Donc, c'est le volume 10, numéro 11, en kiosque du 10 au 23 février 2015. Retrouvez, évidemment, ce journal-là sur le campus du QTR, dans tous les petits raccoins de l'université, dans plusieurs commerces, dans la ville de Trois-Rivières, ainsi que sur zonecampus.ca. Tout à fait. Il y a 8h30, Sébastien qui va venir parler de son éditorial. Tout à fait. Et dans deux semaines, vous serez de retour dans vos cases habituelles. Donc, toi, à 8h30. Ben oui, on s'est échangé. C'est trop tôt pour moi. C'est ça, c'est trop tôt. Je pense qu'on a établi le fait que c'était ta dernière fois à 7h30. C'est ça. Ça merci, Myriam. Rédactrice en chef. Ça réveille bien quand même. Ça réveille bien avec Assemblage Requier. Mais oui. Slogan. Dans deux semaines, Myriam. Merci. Bonne journée. On prend une pause au retour. Ce sera notre ami Gabriel Béhoud. J'avais pas dit que les gens sont nos amis, c'est parce que Colin, c'est le cas. Hein, on va se le dire. C'est pas fake, ça, non. Ça vient du cœur. Ben oui, rien d'autre. Gabriel Béhoud est dans les coulisses de la Luitre, ainsi que son reportage intégré lundi soir le matin. C'est tantôt. Ça, c'est un moment à ne pas manquer. Si on dit ça, ça souvent, cette expression-là, à ne pas manquer. Mais c'est vrai, cette fois-là. C'est vrai, là. Ah, OK. C'est ça. C'est le 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Nanana. Toujours à Assemblage requis en ce mardi, 10 janvier. Février. 2014. OK. Il est 7h11. 8h11. Tu sais, genre comme si à chaque fois je me trompais, mettons. Très malaisant. C'est un genre de running gag. C'est... Salut Mathieu. Salut Gabriel Béhoud. Ça a tombé à plat, ça. T'aimais ça? Si j'aimais ça. T'aimes ça les malaises? Les malaises? Mm-hmm. J'adore. Non, c'est le fun. On va en faire plein parce que c'est le moment, le festival du malaise. Voici dans les coulisses de la Luitre. Les coulisses de la Luitre avec Raphaël, je veux dire Gabriel Béo. Non, c'est une blague. J'ai toujours rêvé d'avoir un nom de Ninja Turtle. Ok, c'est quoi les autres déjà? Michelangelo, Donatello, Leonardo. Ah, yeah. Franchement. Il connaît par cœur, toi aussi. Ben, ben là, c'est l'évidence même. J'ai justement acheté des trucs des Ninja Turtles hier. Hey, j'ai vu, il y a des petits bas, là, tu peux choisir ton Ninja Turtles. Okay. T'as juste son petit bas noir, t'as juste comme le petit bandeau dessus. Ah. Mais c'est pour. Je pense de 5 à... Pointure 5 à 8, là, mais pour enfants. C'est cute, ta mort. Je vais pas magasiner des bonnes sections. Non, c'est ça, je pense que non. C'est bizarre. Parce que t'as qu'est-ce que tu faisais dans le ranger des bas ouais, pour enfants? Je suis tout le temps dans le linge pour enfants. Les t-shirts sont tellement beaux. C'est vrai si je vais dans le X large, ça me fait... Bon, des gros enfants. C'est le même. T'es une grande enfant. C'est l'important, ouais. C'est d'être un enfant dans leur cœur. Voilà. C'est, et dans ses t-shirts. Et voilà. Et dans ses petits bas. Et dans ses feuilles. Eh ben exactement. D'habitude, les niaiseries et les affaires par rapport, c'est à la fin de la chronique. Donc, on va commencer en parlant d'impro. Je pense que ça va fitter mieux, ça. On est avec notre segment là, que tout le monde attend d'entendre les mardis. Voici lundi soir, la matin. Allez, allez, allez! Écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Alors, mon nom est Gabriel Béhoud. Je suis au 10-12 pour le match opposant les Oranges. Au rouge, dans le cadre de la saison régulière de la Luitre, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Ces deux équipes sont en train de se livrer une chaude lutte. Ne manquez pas ça ce soir, lundi. Bonne soirée et maintenant, faisons place au face à face. Face à face. Alors, salut Florence. Tu m'as manqué les matchs v'là pas longtemps. Comment se fait donc? En fait, c'est simple. En fait, j'étais comme incommodée par un virus. On peut dire que c'était de la gastro. La gastro. T'en fais-tu souvent, ça, de la gastronomie au bedon, Florence? Tu te contentes de faire de l'impronomie? En fait, ça vient comme ça va. Des jours, je fais la gastro. Des jours, c'est plus côté impro. Dans le fond, c'est pas mal 50-50. OK, alors j'imagine que tout va bien pour toi ce soir si tu es là pour faire de l'impro. Comment apprends-tu ton match? J'y vais dans le fond par le feeling. Je pense que ça va bien aller. Faut que je me concentre sur ma game, puis ça risque d'être un bon show. D'accord, alors bon show à toi et amuse-toi. Merci, Gab, merci. Face à face. Je suis face à face avec Célène Daudier-Côte. C'est bien Côte? Oui, monsieur. Célène, tu es la suppléante de l'équipe des Rouges. Comment tu supplées? En fait, on appelle ça substitut, Gabriel. Je substitue comme dans Viande et substitut. Ah, OK. Alors, si les gens te traitent comme un morceau de viande, ça te dérangera pas, Célène? Non, parce que c'est un personnage qui fait face à l'improvisoire, Gabriel. OK. Et est-ce que c'est un personnage, Célène? Non, c'est un nom. Je comprends plus rien avec tous ces homonymes, Célène, le personnage Côte. En fait, Célène, c'est un prénom d'origine haïtienne, j'ai entendu dire, mais j'ai pas l'air haïtienne. Est-ce que tu aimes les bananes plantain? Non, même pas. Est-ce que tu aimes les bananes? Quel genre de bananes tu parles? Merci, Célène. Ça fait plaisir, Gabriel. Alors, je suis avec un gars du public, Kevin Courchaine. Kevin, tu connais Philippe Grenier, l'étoile de l'arbitre? Un peu. Comment le décrirais-tu en moins de 35 mots? Ah, c'est sûr qu'il est grand, fait que ça paraît dans ses performances. Je dirais des performances très grandes. Il paraît aussi très bien parce que... Ça fait 35 mots, Kevin. Tu connais Philippe quand même assez bien. Tu dirais que ses défauts, là, laisse-en deux et une qualité suprême. À Mort, il devrait s'améliorer. On lui donnera des trucs. Et une qualité suprême, il sait rentrer dans l'esprit de ses adversaires. Quand tu dis Mort, tu parles de Mortal Kombat. Mortal Kombat 9, pour être précis. Et maintenant, Kevin, si Philippe Grenier était un X-Men, quel serait son pouvoir? Faire des tornades. Il se tiendrait avec la Black aux cheveux blancs. Génial. Bonne fin de soirée, Kevin. À toi aussi. C'est pas ce qui m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. Ah oui. Je suis pas devenu celui que je m'étais. Non. Imaginé. Oh. C'était lundi soir le matin, la chronique. La plus ridicule que j'ai jamais entendue jusqu'à maintenant, je pense. Mais c'était dans le bon sens, là, évidemment, dans le bon sens. Mais bon, on va se le dire, Gabriel Boutantrain-Hout, des fois, on sait pas trop, là. On sait pas où c'est que ça en va, des fois, là. On sait pas, c'est un peu n'importe quoi. Ben, je serais pas prêt à dire n'importe quoi, mais c'est un peu. Il y a un fil conducteur, mais juste le pire chauffeur canadien. Ouais, pas. Comme ouais. Quelle émission, d'ailleurs. Oui! Au passage. En effet, c'est quoi, à Z, ça? Hey, il va y avoir une version québécoise, tu sais. Oh boy. Avec Richard Turcotte. Oh oui. Tout le temps, Richard Turcotte dans le plus du temps, quand ta question, c'est... tu sais, la réponse est souvent Richard Turcotte. Mm-hmm. Ah. Donc, là, ça, c'était le match qui avait lieu hier. Oui, exact. Les Rouges contre les Oranges à la Chasse-Galerie le lundi à 8h. Et puis, c'était un très, très fort match. Une fois de plus, il y a un joueur qui a été expulsé par l'arbitre, Élodie Mongrain. Oui, l'arbitre Élodie Mongrain qui a mis dehors Nadia Tranchemontagne, qui était pourtant celle... Tranchemontagne. Oui, c'est vrai, Tranchemontagne. Call back à la semaine passée. La seule fan, la seule joueuse qui avait des fans plantés dans le public avec des pancartes en carton avec son nom au crayon feutre dessus. Oh! Quand même pas pire, au moins 50 cents de budget. Oh oui, c'est... Ils ont sorti le rouleau de change pour venir voir Nadia. Ils sont malheureusement pour eux, ben, c'est fait expulser pour deux pénalités, je pense, c'est de confusion. Décrochage. Deux fois, je pense, c'est décrochage. Oui. Mais Nadia a joué un très fort match. Et puis, malheureusement, pour les Oranges, elle a été expulsée là, à la moitié de la deuxième demi. Moi, je dirais aux trois quarts de sa performance. Exactement. Hier. Mais bon, que voulez-vous, hein? ça nuit à l'équipe, bien sûr, parce qu'il y avait moins de joueurs. Mm-hmm. Et à la fin, ça a fini par une égalité, tout ça, rouge-orange. Oui, exact. Et il a fallu faire une fusillade. Il y avait un joueur manquant du côté des oranges. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une victoire au rouge. Oui, je pense que ça a vraiment apaisé dans la balance le fait que, justement, les rouges étaient quatre. Ben, on était quatre, en fait. Vu oui, que t'es je dans l'équipe joue des dans rouges. Faut le mais, dire. Je pense que ça a peut-être un peu influencé parce que le niveau d'énergie est toujours différent lorsqu'il manque un joueur. Là. Fait que ça a peut-être influencé le match. C'est pas pareil. Non. Donc, rouge versus orange, qui était le dernier match régulier avant la fin du mois de février. Ouais, ça va aller au 23 février avec les bleus contre les verts. Mais entre les deux, là, ça va être écœurant parce qu'il va y avoir pas un, pas deux, mais trois matchs d'improvisation. Oh, ça va être la folie. C'est insupportable, bref. Mm-hmm. Ça commence le 16. Exact. Avec un match à la Chasse-Galerie. Oui, dans le fond, ça va être la LIM qui est invitée. Donc, la LIM, c'est la Ligue d'improvisation mauricienne qui, mm-hmm. généralement, se produit à la salle André-Philippe Poisson. C'est la salle Louis-Philippe Poisson. Louis-Philippe, oui. C'est ça. Bon, en tout cas, au Centre de la culture. Oui. Et puis, ben, c'est ça, on a une équipe de la LIM. Ils se sont concoctés une équipe pour venir jouer ici, à la Chasse-Galerie, contre une équipe de la Luître. Déplacez-vous, c'est à la même heure, au même poste. Et puis, le lendemain, on fait l'inverse, dans oui. le fond. La Luître envoie une équipe à la LIM. Donc, le mardi, il y aura un match LIM-Luître. Mais c'est ça, à la salle de Louis-Philippe Poisson. Donc, à la même heure, 20h. Exact. Et là, Élodie Mongrain et Maxime Tanguay, les deux arbitres de la Luître, sont des joueurs à la LIM, vont participer, vont jouer dans le camp de la LIM. Mm-hmm. Et Élodie, hier, s'est gâté en faisant même une catégorie. Message de la LIM qui dit qu'il va vous planter la semaine prochaine. Ouais, c'est... C'est un petit peu arrogant, mais nous, ça, c'est comme de l'indifférence. C'est comme de l'eau sur un dos d'un canard, tu comprends? C'est ça. Parce que nous, on n'attend rien de moins que l'excellence de la part de la Luître. Ben oui. On est capable de la livrer. C'est des méchants bons noyaux, là, on va se dire, là, qui ont décidé ces joueurs-là. C'est Alexandre Laramie, Wiki d'un bar, puis oui. Jeff Latour et Antoine Lacasse de l'autre bar. Pas oui. Jeff Latour, excuse-moi, Antoine Lacasse et Philippe Grenier de l'autre bar. C'est ça. Exactement, ils ont choisi de très bons joueurs, dont M. Gabriel Béot d'ici présent. Exactement, je vais être là le lundi à la Chasse-Galerie pour affronter les gens de la LIM. Fait que, ben, préparez-vous, ça risque d'être une raclée. Il n'y aura pas de quartier. OK. Si tu le dis, je te fais confiance. Ah oui, là, c'est rempli de conviction, mes menaces. Exact. Donc ça, c'est lundi et mardi, 20h. À Chasse-Galerie lundi et à la Maison de la Culture mardi. Ensuite de ça, jeudi, c'est le match contre le Kick de oui. Québec. Oui, exactement. Pour ça, j'ai pas eu des tonnes et des tonnes d'infos. Cependant, notre team est encore en construction. Okay. Et puis, je connais pas d'improvisateurs qui jouent dans la kick. Cependant, c'est toujours très, très, très plaisant de recevoir des équipes d'extérieur. Puis, je dis ça après une fois, là, une expérience. Tu as vécu avec la Libre récemment. Exactement. Dans le fond, parce que c'est plaisant dans le sens où on connaît pas du tout le style des autres joueurs. Parce que, veux pas, dans la Luître, on sait un peu, on se connaît tous un peu nos styles. On sait qui est cabotin. Qui exactement. Est... On connaît un peu les styles des gens. Alors que lorsqu'on nous surprend dans une autre ligue, on. Faut vraiment pas s'y aller à l'habit. L'habit fait pas le moine, dans le fond, en impro. Là. Des fois, on peut être flabbergasté, you know? Hey. Fait que ça va être plaisant de jouer contre la Kick. Le Kick est K-I-K. Oui. C'est une ligue d'improvisation de la ville de Québec. Oui. Et puis, donc, on surveille ça, c'est jeudi prochain. Mm-hmm. Pas qu'il s'en vient juste cette semaine, mais on parle bien sûr du 19. Oui, jeudi le 19. Février. Toujours à 20h, toujours à Chasse-Galerie, toujours animé par moi, j'imagine. C'est qu'on verra. Hein? C'est ça. Donc, c'est trois matchs la semaine prochaine d'impro. Yes. C'est ça. Puis là, ben, une fois qu'on a parlé d'impro, ben, c'est le moment de parler n'importe quoi. Fait que c'est pas le sujet aujourd'hui, on parle de quoi? Ouais. Mon Dieu, à Fred de même. Ouais, je sais pas. Mon Dieu. D'habitude, on laisse ça aller naturellement. Hein? Naturellement. We go with the flow. Mettons de bonbons, tu sais. C'est quoi votre bonbon préféré? Les bonbons. Les bonbons. Il y en a tellement des bons. Des machines. Les... Ah, des machines. Ou les barres au chocolat. Ben non, mais c'est parce que tout. Non? Ben là, c'est parce que les meilleurs bonbons, généralement, sont genre dans des depths un peu crasseux. C'est vrai? Ouais, ouais. Puis tu peux te faire toi-même ton petit propre sac, là. Ouais. Des mix and match, qu'on appelle. Exact. Moi, je me rappelle, j'ai un peu de... Ben, je viens de Sorel, mais alentour de Sorel, il y a des beaux villages de campagne. Puis dans un magasin général à Saint-Roch, sur Richelieu, il y a un étalage de... Puis là, je lui fais de la pub gratuite. Oui, parce que c'est vraiment sur leur marché, ça, là. En tout cas, parlez-en bien, parlez-en mal, mais vous allez voir. Ils ont comme un rack de bonbons à l'unité. Puis juste au côté, t'as des néons, des ampoules puis des votes. Puis ils ont mis des trompe-toi pas. Ouais, des, tu sais, un P-Touch. Si oui, une étiqueteuse, mettons. Tu mets un mot, puis ça fait un petit collant, puis tu peux coller ça dessus. Exactement. T'as bien résumé ce qu'est un P-Touch. Parce que je sais ça n'a rien à voir avec un penis touch, d'ailleurs. Non, c'est un penis touch. Autre chose. Ça peut être collant, mais... Oh, c'est encore drôle. À Saint-Roch, ça peut être comique. Et ça s'appelle un pee-pee touch. Ça. Oui, exactement. C'est le modèle supérieur. Ouais, c'est... Exactement. On dit. Il peut le pee touch, c'est oui, bon. Oui, oui, oui. Ils ont mis des petites étiquettes comme des slogans pour inciter les jeunes à... Mais c'est ridicule. Alors faire des bonbons. Genre, cool gang, tu as utilisé les pinces pour prendre des bonbons. Aïe, aïe, aïe, c'est pas gratuit. Puis... Nous, on débarquait là, mais on débarquait là à genre... là pas longtemps, en fait. Là, 2-3 ans, on débarquait là, mais avec des 20 piastres. OK. Puis on se faisait des sacs monstres. Puis la madame, elle classait ça sur sa table de cuisine dans sa maison adjacente. Okay. En jacket. C'était des moments surréalistes. Puis ils vendaient encore de la liqueur Chubby. Ah, malade! C'est mauvais, ça. C'est dégueulasse. J'aime pas ça, c'est trop sucré. Même moi, je trouve ça trop sucré, imagine. Ah, ben c'est ça. Oui. Mais ça, moi, quand j'étais au primaire, là... Chautait d'un mur quand maman dit hey, j'ai acheté du chubby pour mettre dans vos lunchs. Yeah! Merci! Ma dernière expérience de chubby s'est résumée avec. Ben, en tout cas, ça, puis beaucoup trop de bonbons, ça a fini en patch. Ça, c'est une autre expression, les gens. Patch? Ouais. Hey, là, ton affaire de cool, t'as utilisé les pinces, puis hey, c'est donc ben patch. On dirait que c'est Jocelyne, genre, dans Radio Enfer, ça. Ah, non, les jeunes, vous êtes donc ben patch dans Snatch. Mais c'est ça, ça me fait. Ouais, exact. Non, mais c'est ça. Elle a pas dit ça, là, c'est dans les. C'est tout ça, les facettes, ça, découpé. C'est ça. Mais les gens ont. Moi, patché, c'est genre régurgité pour moi. Puis, il y en a d'autres que. Patché, ça veut dire. Avoir la visite de Mère Nature. De Mère Nature. Hier, à Chasse-Galerie, oui. La serveuse a fait justement mentionner le mot de patch de quelque chose, c'est qu'il fallait patcher telle affaire. Fait que j'ai dit, coudon, on est pas assez proche que tu parles à tes règles avec moi. La patch est au rendez-vous. La patch est au rendez-vous. À Patch Galerie. Oh boy, la Patch Galerie. Pas sûr. Mais bon, bref, on a parlé de bonbons, puis ça m'a fait. C'est quoi la signification dans Patch Adams? Oh, ouais. Mais lui, c'est parce qu'au départ, il s'appelait Adam. Puis finalement, ben, il trippe pas mal sur le patch. Peu importe quel. Puis. Mais c'est place à votre imagination. Ben, t'as-tu checké les deleted scenes sur le Blu-ray? les deleted scenes sur le Blu-ray? Oui, dirait ça, les deleted scenes. Ah, y'a-tu ça sur les films Blu-ray de porn en arrière du petit rideau, les deleted scenes? Je sais pas. Non? Ça me fait bien rire, par exemple. Les Blu-ray? Ouais, sur les Blu-ray. Ça se dit bien, ça, Blu-ray. Blu-ray, c'est un beau mot. On sort du coq à l'âne. Dans le cadre d'un de mes cours, on a vu plein de logiciels qu'on peut utiliser dans une classe au secondaire. Puis les gens qui conçoivent des noms de logiciels, ces gens-là, donnez-le une médaille pour l'amour du ciel. Gulp. Gulp. Oui. Ça, c'est tellement rond en bouche, c'est trop drôle. À goût du goût. C'est un goût de goût. Ah oui, c'est un vrai nom. À goût de goût. C'est africain, ça, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que c'était du clic ou quelque chose. Oui. Ça m'a fait capoter. Il y a des noms de programmes qui sont incroyables. Ça m'a fait. En tout cas, j'ai pas dormi. C'est sûr qu'il y en a, c'est parce qu'ils ont perdu des gageurs. Mais ben, à goût de goût, là, c'est Microsoft malade. Word. Ouais, c'est ça. Hey. Yes. N'importe quoi. Publisher. Pas ira jamais, ça. Publisher, j'aime ça, moi, Publisher. T'aimes ça, Publisher? Il y avait... Il y en avait un, c'était quelque chose comme... ça faisait penser à... c'était Actuality Browser. Et moi, je trouvais ça drôle de dire Actuality Browser. Là, on a ri. Comme une brassière. Ouais. Non, oui. C'est ça? Brassière. Mais c'est ça, en anglais? Hein? Un browser? C'est un shorteur. Browser? De quoi tu parles? Le méchant de Mario? Ça, c'est Bowser. Bowser. Ouais. Lui, là. Ouais, mettons. Toi, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, okay. Mathieu, parce que ouais. Ça a l'air d'être pas mal. On est parti sur quelque chose. Oups, Steph, t'as pas l'air d'être faire confiance, on dirait. Non, mais on dirait que ça dégénère, là. Attends. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il soit méchant comme ça? Tu le sais-tu? Ah, mais il y a des théories par rapport à ça, là, mais je sais pas trop. Parce que, tu sais, en tant que tel, c'est un roi, tu sais. Au Japon, ouais, c'est King Koopa. Ouais. Le roi des tortues, tu sais. Mm-hmm. Parce que dans le fond, c'est lui qui est le roi des tortues qu'on croise dans le jeu, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y a-tu quelque chose? Parce que là, la princesse Peach, c'est la princesse du château de Bowser. Est-ce que ça lui appartenait? C'est quoi l'affaire? On sait pas, là, tu sais. Oui, c'est vrai. J'avais vu l'affaire que Mario, c'est finalement lui qui kidnappe la princesse. Ben, c'est ça que j'ai lu, moi aussi. Parce que là, Bowser, il a changé de château en château parce que l'enfant de chienne de Mario, il arrive. Puis Mario, dans le fond, il est vraiment pas smart si on suit cette théorie-là. Parce que il débarque dans le royaume de Bowser pour y voler sa princesse. Ce faisant, il pète la gueule à tout le monde. C'est ça. Puis il y a des histoires de Mario dans les livres d'instruction qui disent que les Goombas, les petits champignons ambulants, tu sais, que tu tues, là, que ça, c'est des citoyen du royaume champignon, là, fait quand t'es dessus, tu sais. Tu sais, puis qui a été emprisonné dans des blocs de briques, puis tout ça, puis quand tu pètes des briques, tu pètes des. En tout cas, là, c'est compliqué, cette histoire-là, là. Si bon. C'est des affaires compliquées. Ça remet les choses en perspective. Mais. C'est drôle que t'en. On dirait que j'avais comme effacé ça de ma mémoire, puis tu m'en parles, puis moi, c'est le Angry Video Game Nerd, ça dit sûrement quelque ben chose. Ben oui. Ce gars-là, il est fantastique. C'est un fou, pour les il y a un film. Oui, c'est vrai. Il va déterrer les cassettes Atari de E.T. C'est ça le synopsis du film? C'est ça, synopsis? C'est synopsis, mais je suis pas sûr si c'est ça. Celle-là, ça se peut. C'est vraiment weird, là, comme. J'ai vu la bande-annonce, là, parce qu'il était à Fantasia, Festival international de films, l'été dernier, à Montréal. Mais lui-même en personne ou son film? Son film. Mais peut-être qu'il était là, ça arrive souvent que les réalisateurs, tout ça, là. Mm-hmm. Mais on n'est pas allé le voir parce qu'on s'entend, il y a des centaines de films intéressants, là. Mais c'était lequel ton préféré? Hey, l'année passée, je sais pas, les années se mélangent et se suivent et se ressemblent. Ça donne mal, hein? C'est en même temps que le mondial de la bière, fait que c'est tout le temps indirable. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. Bref, Angry Video Game Nerd et The Game Theorists aussi que je suis sur YouTube, là, The Game Theorists, les théoristes des jeux vidéo. Ça ressemble à terroriste. Ouais, un peu. Là, fait que là, on vient à Ottawa, il y a une lumière qui allume. Oh boy. Il écoute là, sur nos ondes. Là. Le gouvernement écoute les ondes FM tout le temps. Pas de politique. Alors, on va parler de politique tantôt, mais pas là. Fait que vous merci. Ouais, un peu. Merci, Gabriel Béhoud. Ça me fait plaisir, Mathieu. On parle d'improvisation tous les mardis à 8h. Ouais, ne manquez pas le. D'autres choses, oui, des fois. Souvent d'autres choses. Surtout trois quarts d'autres choses. Mais manquez pas le prochain match lundi et le match mardi prochain aussi contre la Lime à la Lime. Donc, ça, oui. Louis-Philippe Poisson. Ce sera un échange de duels. Époustouflant et fugueux. Épique. Et jeudi aussi, 20h, Chasse-Galerie. Oui. Trois matchs. Le manquez-en pas un parce que sinon vous allez rien comprendre. C'est comme dans Lord of the Rings. Vous allez brûler. Les Lord of the Rings. Lord of the Rings. En tout cas. Ça, c'est bon, ça. Au lieu d'une frite, là, tu prends une bonne Lord of the Rings. Merci, Gabéun. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci, Steph. Salut. Nous, on prend une pause au retour. Ben, on l'a dit, on parle de politique, mais de politique de l'AGE avec Sébastien F. Gartin du Journal Zone Campus. C'est au retour à Assemblage Hockey. C'est vrai que ça serait bon de vendre le Donion. La de ring. Nya, ring. De découverte. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Toujours à Assemblage Rocky, présenté par les services aux étudiants de l'UQTR. Or, nous sommes mardi, le 10 février 2015, et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Et aux deux semaines, à ce moment-ci, mais une heure plus tôt habituellement, on parle des actualités du campus avec l'éditorialiste du journal Zone Campus. Voici Sébastien F. Gartin. « Bonjour Sébastien Gaffin. Bonjour. Ça va bien? Pas pire. Ouais. Je suis perturbé un peu. Là, t'es tard un peu, là. Ouais, c'est ça, je suis tard un peu. Moi, ma journée est finie à cette heure-là d'habitude, ça. Steph se demandait si tu te levais à la même heure que le mardi d'habitude, puis finalement, tu faisais comment hier, j'ai une heure de plus dans mon lit, je sais pas trop. Non, peut-être pas une heure de plus, mais j'ai eu quelques minutes de plus. Genre. En fait, je me suis couché plus tard hier, fait que ça a compensé. Oh, ben là. Mais c'était pas une bonne cause, t'as regardé de l'impro hier. C'est ça. Donc, Joins au Campus qui sort aujourd'hui, et dedans, il y a une chronique éditoriale de ta part. Et de quoi est-ce que ça parle, tout ça? Ça parle de politique. Ben oui, tout mais le monde est surpris. Politique interne à l'UQTR. Politique interne à l'UQTR, politique interne à l'AGE, en fait, mais aussi politique provinciale. Ben oui. Et même fédérale. Toutes les sortes. Ouais, c'est ça. En fait, je parle de ça a été annoncé un peu dernièrement. Ben en fait, oui puis non, ça a été annoncé v'là un certain temps, puis les démarches sont en train de se faire. C'est que le GE est en train d'organiser d'organiser en tout cas un des débats officiels de la course à la chefferie du Parti québécois. Ouais. Sur le campus. Sur le campus, avec les ressources de l'AGE. Ouais. J'ai mal à mon sociopolitique avec ça. La raison étant, puis là, je vais commencer en disant, la semaine dernière, jeudi dernier, si ma mémoire est bonne, il y a Mario Beaulieu, chef du Bloc québécois, qui est venu faire une conférence. Ce qui est devenu une tribune libre, comme dans le temps, où on recevait un politicien ou quelqu'un de connu. Le concept de la tribune libre, c'est plusieurs choses en même temps. Dans le temps que j'étais sociopolitique à l'AGE, j'ai dû en organiser une méchante gang. D'ailleurs, j'ai mis énormément de temps là-dedans. Ça a l'air niaiseux, mais c'est de la job à organiser. Et t'essayais d'être le plus neutre possible en organisant de chaque côté, j'imagine, un peu. Ben, c'est ça, c'est tout le temps un peu ça. Mais en fait, honnêtement, on envoie des tonnes et des tonnes de courriels ceux à différents répondent. Politiciens. Puis ceux qui répondent, ben, on les invite. C'est ça. Fait que moi, ça tirait un peu à gauche. C'était en 2012. En tout cas, il y avait certains partis provinciaux qui n'osaient pas trop venir ces campus. On les nommeront pas, mais c'est le PLQ. Ah! Ça commence par P, ça finit par Q, puis rien d'autre. C'est ça. Fait que c'était en 2012, en pleine crise des... on a dit des accommodements raisonnables, ça paraît pas... Carrés rouges. En pleine crise des carrés rouges, en pleine crise de la hausse de frais de scolarité. Fait que eux autres, le PLQ était pas trop willing de venir, mais tu sais, comme entre autres, j'avais fait venir Denis Coderre dans le temps, qui était dans ce temps-là au libéral fédéral. Il avait été un gros hit, lui, d'ailleurs. Oui. Il est cool comme monsieur, tu sais. Bon, en tout cas. Mais non, c'est ça. Puis comme là, ils ont recommencé ça un peu. Ils ont fait venir Mario Beaulieu. J'ai dit, tant mieux. C'est le chef du Bloc québécois. C'est pertinent de faire venir le chef du Bloc québécois présentement. T'sais, ils ont des élections fédérales qui s'en viennent. On s'entend, ça va pas nécessairement super bien pour eux autres dans ce temps-ci. Présentement, ils ont deux députés d'élus, ce qui est pas gros. Dont excluant leur chef, qui est lui-même pas pantoute élu. En tout cas, ça... Correct, je trouve ça pertinent. On sait pas s'ils ont invité les autres, on sait pas si les autres vont se présenter plus tard dans d'autres tribunes libres. Pour l'instant, c'est que des accusations. En fait, j'ai mes talents journalistiques, non, c'est pas vrai. Je me suis fait dire... que t'es pas journaliste historialiste. Quand j'ai commencé à poser des questions un peu là-dessus, je me suis fait dire que présentement, ils essayent de faire venir un libéral, là, où... Okay. Quelqu'un, juste pour donner l'impression d'être... juste pour tout le monde, non, c'est pas vrai. Non, mais il y a une question aussi de... Les premières démarches de ça, c'était un des deux anciens VP sociopolitiques qui a démissionné. Okay. Puis là, c'est le nouveau récent actuel. Là, le Jean-René troisième Leblanc, de l'année qui est comme, scolaire, oui. Qui a pas le choix de continuer ça. Puis bon, fait que c'est ça. Lui-même, je pense que les démarches pour l'autre côté, c'est plus lui qui l'a fait parce que lui aussi, okay. Il a trouvé ça. Mais en tout cas, bref, ça, faut leur donner. Mon problème, moi, c'est le débat... Ouais. Du PQ. C'est là-dessus que mon article parle. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. La raison de faire des tribunes libres, c'est entre autres, c'est que les politiciens sont tenus de faire ça gratuitement. C'est-à-dire qu'ils sont tenus de venir parler, faire certaines activités comme ça dans leur mandat. C'est un devoir de politicien. C'est ça, ça fait partie de leur devoir de politicien, puis ils n'ont pas le droit de charger pour ça. Fait que nous autres, on était bien contents parce que ça coûtait pas une scène. Cha-ching! Cha-ching! Puis. Puis c'est ça, fait que c'est un peu l'idée de ça. Ça fait partie de leur devoir, puis c'est aussi pertinent dans le sens que l'AGE a une mission. C'est sûr que la mission de l'AGE à la base, c'est de défendre les intérêts des étudiants, puis tout, mais c'est aussi de les informer sur certaines choses. Puis, politicien, je m'excuse, mais pour informer sa politique, je veux dire qu'ils sont en première ligne, là. C'est les mieux placés pour ça. Fait que faire venir des politiciens, peu importe l'allégeance, même si ça vire un peu plus d'un côté que d'un autre pendant une session, c'est pas trop grave. T'sais, tant qu'on a à peu près l'impression qu'il y a eu des efforts pour. ouais, avoir un peu tout. Tu sais, si ça donne que il y a plus de souverainistes que de fédéralistes qui ont pu se pointer cette session-là, bien, ça tombe de main. C'est peut-être qu'ils ont plus besoin d'exposure ou de visibilité, peut-être. Ça peut être un paquet de choses, tu sais. Fait que, tu sais, puis l'autre côté peut aussi arriver, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, le problème, moi, c'est avec le débat que t'es plus dans cette mission-là, tu sais. Ça, là, c'est une activité partisane. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est une activité pour les membres du parti. Ouais. C'est les membres du parti qui vont voter là-dessus. C'est sûr qu'en organisant ça dans une université, le parti, ce qu'il espère, c'est encourager le membership, là, c'est-à-dire profiter de ça comme une occasion pour recruter des nouveaux membres, des membres qui vont payer leur carte puis qui vont après ça avoir le droit de vote. En fait, je pense qu'ils n'auront même pas le droit de vote parce que c'était jusqu'à une certaine date. Il fallait avoir sa carte avant telle date. Là, je pense qu'on l'a dépassé, mais encore, je suis pas certain. Mais c'est sûr qu'ils vont aller essayer de... Ils espèrent, si le parti accepte de faire ça, parce que là, ils sont en attente de confirmation de ça. Parce qu'il va y avoir plein de débats partout ailleurs. Ben, c'est ça. Là, le parti a annoncé qu'il était pour en avoir... C'était-tu 5? Ou en tout cas, un certain nombre quand même, là, un peu partout. Puis là, ils sont en train de setter ça. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils vont se garrocher sur une occasion de faire ça dans une université. Parce que justement, c'est une occasion d'aller se recruter du membership. Et c'est ce que l'AGE aimerait. C'est ce qu'ils veulent. Ben, c'est pour ça qu'ils l'organisent aussi, pour se faire voir un peu aussi. Honnêtement... Ben oui, c'est sûr que ça donne de l'exposure à l'AGE, mais c'est quoi comme exposure que ça donne? C'est ça. Et est-ce que ça va coûter quelque chose à l'AGE? Sûrement pas encore là, ils vont juste louer des équipements. Parce que contrairement à la Tribune Libre où tu n'as pas à payer la personne, là, il y a une organisation autour d'un débat. Ben là, c'est ça, là. C'est que là, il y a plus de trucs. Là. Si en plus un certain député décide de venir encore sous forme télévisée, ça va demander plus d'équipements. Par Skype! Ben ça s'est fait dans un débat. L'UDM a organisé un débat, justement, la même chose, un débat des candidats, puis... Il a le PKP dans le fond, il s'est pas déplacé en personne, il a fait installer une TV puis il était là là par vidéoconférence, mais ça demande plus d'équipement. Les gens chialeront pas contre un débat à la chefferie. Par contre, s'ils osent choisir FaceTime pour faire la conversation à distance et non pas Skype, ils vont se faire accuser de d'être biaisé à pro Apple. Dit le gars qui travaille sur son MacBook Air son et MacBook iPhone, Air dans la face. Mais ouais, non, c'est ça, c'est problématique, parce que ça, c'est une activité partisane, tu sais. Fait que là, premièrement, tu sais, l'idée des politiciens, je veux dire, on est tous des électeurs de ces politiciens-là, quelque part. Mm-hmm. Mais là, quand tu tombes, quand c'est la course à la chefferie, là, ils sont là en tant que candidats à la chefferie de leur propre parti. Fait que là, les seuls qui peuvent voter là-dessus, ben, c'est les gens qui possèdent leur carte du parti. Fait que déjà là, si t'es pas de cette allégeance-là, cette activité-là est comme pas mal moins intéressante. Puis c'est ça, c'est que... Moi, ce que j'en reviens un peu à, c'est qu'en 2012-2013, le Parti libéral ont eu eux autres aussi une course à la chefferie. On les a pas invités. Ben non, c'était bien clair qu'on les inviterait pas, tu sais. Ouais. Pourquoi est-ce que là, on inviterait le PQ? Ah, parce que le PQ est plus proche du mouvement étudiant. Parce que ça, c'est un ben peu un mythe. C'est donc biaisé, tu sais. C'est ça. Ouais. Parce que ça, c'est une chose, j'en parle un peu dans mon article. Ces dernières années, le PLQ, c'est l'ennemi. Puis le Parti québécois, c'est supposé être le grand ami des étudiants. Moi, j'ai de la misère avec ça, tu sais, parce que, bon, regarde, on le sait, les fédérations, tu sais, la FERC, la FEC, sont très, très proches du PQ. C'est pas pour rien que, justement, en 2012, les trois chefs étudiants, tu sais, Martine Desjardins, Léo Bureau-Blouin, puis Gabriel Nadeau-Dubois, ben il y en a deux de ça, c'est-à-dire les deux premiers que j'ai nommés, étonnamment, qui se sont présentés sous la bannière du PQ. Pas très étonnant. Cependant... Moi, j'aime bien rappeler certains faits que, premièrement, les compressions budgétaires qu'on vit présentement, dans les universités spécifiquement, c'est pas le PLQ qui les a partis. Il a juste prolongé des compressions que le PQ avait faites pendant leur court mandat au gouvernement. Déjà là, tu sais, OK, moins l'ami des étudiants déjà. Mm-hmm. La fameuse hausse qu'on s'était battu contre en 2012... On a eu une indexation plus haute que le coût de la vie sur les frais de scolarité. Ça, beaucoup de monde ont tendance à oublier ça. Puis, oui, c'est plus graduel, mais c'est quand même une hausse assez popée de la part d'un parti qui avait promis de pas faire de hausse, qui était le PQ. Fait que, amis des étudiants, le PQ, pas trop sûr. Moi. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas tant de raisons d'être complaisant avec eux autres. Fait que c'est ça que j'essayais de rappeler un peu dans mon article. Article qu'on peut lire dans Zone Campus, bien article sûr. Article qu'on peut lire dans Zone Campus. Au complet, le Zone Campus qui sort aujourd'hui, sur zonecampus.ca plus tard aussi. À chaque deux semaines, on te retrouve dans Zone Campus. Et est-ce que tu as d'autres sujets qui s'en viennent plus tard? Est-ce que tu sais vers quoi tu te diriges dans les prochains numéros? Ben là, c'est sûr qu'on on regarde un peu avec les journalistes. Là. Moi, c'est tout le temps ça. En fait, on va regarder avec les journalistes d'actualité pas mal qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe. Il y a des chances que ça ait joué un peu dans le... par rapport vraiment politique interne de l'OGE pour la prochaine fois. Vous êtes averti, gang du CX. Surveillez-vous. Mais ouais, non, c'est ça. Il y a différentes choses. Là, il y a une chose qui est sortie à matin. On a le temps un peu. Je pense que j'étais plus court que d'habitude. Ouais. Moi, je suis parqué dans les 15 minutes, par contre. Ah, ça, j'aurais pas dû dire ça. Oups, ouais. Mais ouais. Non, c'est ça. Il y a un article qui est sorti hier. C'est même Radio-Canada qui a pris ça. D'habitude, les drames de l'UQTR, c'est juste le nouvelliste qui s'intéresse à ça. Mais là, Radio-Canada quand même a repris ça. C'est un étudiant, un Marocain, oui. qui poursuit l'UQTR pour 1,7 million. C'est incroyable, ça. Il y a pas beaucoup de détails. Non. Mais c'est magnifiquement crunchy comme histoire. Il accuse les professeurs de l'avoir comme forcé à suivre quelque chose doctorat, en fait, ce que lui dit, c'est qu'il y a eu différentes mesures disciplinaires abusives qui ont été menées contre lui, qui ont toutes comme un peu mené à rien, qui visaient juste, selon ce que lui, toujours selon ses allégations à lui, à retarder le dépôt de son mémoire de maîtrise. Puis le but de ça, c'était de le forcer à faire un... Apparemment que ça a été une sorte de chantage ou quelque chose pour le forcer à faire un doctorat. Parce que l'UQTR fait de l'argent sur ça. Si un étudiant s'inscrit au doctorat, ils font un montant d'argent. Généralement, l'UQTR, la façon que ça fonctionne, en fait, toutes les universités au Québec sont financées quand un étudiant s'inscrit dans un programme, ils ont un montant là, puis ils ont un montant quand l'étudiant termine le programme. Okay. L'autre chose aussi, c'est que là, apparemment, ce que lui dit, c'est que ça serait pas tant l'UQTR en général que le département. C'était dans la grosse famille de l'administration, mais je me rappelle plus si c'était marketing, gestion ou quoi. Mais il se serait fait... C'est l'administration des affaires, je pense. Une affaire comme ça. Ouais, il me semble juste. Puis, en tout cas, lui, il était au MBA. C'est ça le programme que lui voulait terminer. C'est ça, dans le fond, c'est... Une chose qui arrive aussi, c'est que les programmes de comme les programmes de cycle supérieur, d'ailleurs c'est plus courant là, mais même les programmes de premier cycle, c'est sûr que si le programme n'a pas assez de membership, ben, ils ont moins de budget aussi de la part de la maison mère. Donc les programmes qui marchent un petit peu moins, peut-être que lui il disait que ce doctorat-là il est pas assez fort, puis c'est un mauvais programme, c'est pour ça qu'il voulait pas s'inscrire. Il disait médiocre même. C'est vraiment il était cité à dire médiocre effectivement. Moi, je connais rien là-dedans. On ne rapporte que les informations données. C'est ça. C'est sûr qu'il va toujours avoir une tentative un peu de la part de souvent des profs qui sont plus proches du comité de programme de essayer d'encourager les étudiants. C'est sûr qu'ils ont intérêt à faire ça, à encourager les étudiants. Les démarches alléguées sont effectivement douteuses. Ça n'a pas d'affaire à faire ça. Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec ça, on ne sait pas. Puis on sait que l'UQTR est déjà jusqu'au cou des poursuites à tour de bras d'histoire de ressources humaines puis tout. Fait que c'est un autre beau clou dans le cercueil de l'image positive de l'UQTR. Certainement. En tout cas, il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là. On va probablement suivre le dossier aux autres. On va probablement suivre le dossier. C'est un dossier intéressant. C'est ça, là. On serait bien intéressé. Je suis sûr qu'il y a au moins une journaliste qui serait intéressée à le rencontrer, c'est sûr, c'est sûr. Facilement. Bon, on te laisse aller libérer si t'as seulement 15 minutes, Bastien Fiertin. Et on te retrouve dans deux semaines, les mardis, à 7h30 dans ta case régulière. Yes! Merci. Je vais être plus on the coche la prochaine fois. Plus moins réveillé. Ouais, c'est ça. Merci, bon. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Bonne journée. Toujours Assemblage Requis, on va continuer en musique avec Dumas. Mm-hmm. Et une nouvelle entrée du palmarès francophone, elle s'appelle Compte à rebours. Ça commence dans 3, 2, 1. Non, c'est original. Pas pire, hein? J'ai jamais entendu.

têteux. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Demain mercredi, on a c'est les chroniques féminines. Demain, on a Cindy Gilbert avec sa chronique Activer votre santé. On a aussi Véronique Mir a changé de semaine. Attends un peu que je me rappelle, j'aurais dû prendre notre. Bref, on est mercredi, puis c'est quand je patine, c'est que l'internet charge pas assez vite pour que j'aille chercher là. On m'en veut pas. Soyez-y demain de toute façon. Ben c'est ça. Aujourd'hui à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier, ensuite rock classique en rappel avec Alain Lefebvre. À 17h, le magazine Circulation danse, poum poum poum. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. 21h, matière noire avec du métal progressif et de la musique obscure. Cif.ca pour les notes de l'émission, les balados diffusion, assemblagerequis.com les notes de l'émission, c'est sur assemblagerequis.com, la programmation complète sur Cif.ca. J'ai tout dit dans le désordre parce que je cherchais encore ce qu'il y avait demain. C'est dit Gilbert, Frédéric Bernard demain pour sa chronique Crackpot TV. Voilà. Pas si fin que ça, finalement. C'est facile, Ah, c'est qui? C'est Daffy Duck, ça, qui parle même, je pense. Oui. Hey, vu qu'on a parlé de nourriture pendant un bon bout de temps, on se quitte avec chocolat. Voici Apocalypse. À demain. Bye!